Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Radio Fadjet. Eh bien, je suis très très heureux de vous retrouver pour votre émission classique du samedi et du dimanche sur Fadjet. Et aujourd'hui, on va ouvrir un peu avec de la musique de Carl Philipp Emanuel Bach. Alors, si vous êtes un auditeur, une auditrice régulier de cette émission, vous avez remarqué certainement que je passe souvent les fils de Bach et en particulier Carl Philipp Emanuel. J'ai une vraie passion pour sa musique, mais je passerai quand même quelques-uns de ses frères dans les émissions à venir. Alors Carl Philipp Emanuel Bach, 1714-1788, avec un père qui était vraiment le fondateur de la musique occidentale, on peut dire ça comme ça, hein, Jean-Sébastien Bach, on lui doit tout. Et puis un parrain qui s'appelait Telemann. Alors voici une symphonie composée par Carl Philipp Emanuel. À savoir quand même que le père, Jean-Sébastien, n'a jamais composé de symphonie. La symphonie à l'époque du père, c'était plutôt la symphonia, ce qu'on appelait la symphonia, en trois mouvements, vif, lent, vif, qui servait à mettre l'auditeur en condition avant une représentation d'opéra. Voici un extrait donc d'une symphonie de Carl Philipp Emanuel Bach, Voigtken 182. Voigtken, c'est le musicologue qui a classé les innombrables œuvres de Carl Philipp Emanuel avec The Academy of Ancient Music que dirige Christopher Hogood. Thank you. J'aime bien ces finales avec des fausses fins, comme on dit. Hein. Et c'était un extrait de la symphonie numéro 5, Voitken 182 de Carl-Philipp Emanuel Bach, avec The Academy of Ancient Music et Christopher Ogood, un ensemble que je passe presque toutes les semaines parce que j'adore. Hein. Et on continue avec un peu de Schubert, revu par Franz Liszt, le roi des aulnes, un leader de Schubert que Liszt a transcrit pour piano seul, et que l'on va écouter joué par Yevgeny Kissin. Alors si vous avez écouté l'émission d'hier, j'ai passé un extrait du concerto pour piano de Robert Schumann avec Kissin. Kissin, c'est l'un des pianistes majeurs de notre époque. Il est né en 1971. Il était russe, il a eu comme professeur sa mère, qui était professeur de piano. Il a ensuite étudié au conservatoire de Moscou. Il s'est fait reconnaître en jouant les deux concertos de Chopin à un âge très très jeune. Et d'ailleurs, à 15-16 ans, il a aussi joué avec Herbert von Karajan, qu'il avait remarqué, et avec lequel il a enregistré quelques disques. Donc, Yevgeny Kissin, il a un répertoire immense. Il a obtenu la nationalité britannique, puisque donc il était russe. Et puis, il a demandé la nationalité israélienne parce qu'il avait envie de défendre ce pays si souvent attaqué. Et donc, Yevgeny Kissin s'est fait remarquer aussi par des prises de position contre la guerre en Ukraine. C'est vraiment un pianiste majeur de notre époque. Et chaque album qu'il publie est un événement en soi. On va écouter donc Kissin dans ce Lieder de Schubert transcrit par Franz Liszt, le roi des aulnes. Thank you. le piano de feu de Yevgeny Kissine dans ce leader de Schubert, le roi des zones, dans une transcription pour piano seul de Franz Liszt. Et un peu d'opéra maintenant avec Eugène Onéguine, opéra en trois actes de 1879 signé Tchaïkovski. C'est le plus célèbre, le plus joué des opéras de Tchaïkovski. Ça se passe au XVIIIe siècle, aux alentours de Saint-Pétersbourg. Olga et Tatiana reçoivent chez elles la visite du poète Lenski, qui était pris d'Olga, et de son ami Onéguine, personnage intrigant, aigri, un peu désabusé. Et à la vue de cet Onéguine, la jeune Tatiana s'enflamme pour cet homme, d'allure un peu hautaine et qui semble indifférent à tout. Et le soir même, eh bien, elle se presse de lui écrire une longue lettre, sans doute la plus belle lettre d'amour de l'histoire de l'opéra, d'ailleurs, il faut le signaler. Et elle lui avoue son amour qu'il a fait naître. Mais d'un ton un peu méprisant, Onéguine rejette ses aveux, lui déclarant sèchement qu'il n'est pas fait pour le mariage. Et alors, bien sûr, vient un bal, et au cours du bal d'anniversaire de Tatiana, Onéguine se met à faire la cour à Olga, affichant un mépris ouvert pour Tatiana ainsi que pour son ami Lenski, qui l'outrage évidemment en courtisant sa fiancée. Et ce dernier ne tarde pas à le provoquer en duel. Onéguine tombera finalement sous les coups de son ami. Et donc quelques années plus tard, non, Onéguine ne tombe pas sous le coup de son ami Onéguine. Onéguine va tuer Lenski, pardon. Et quelques années plus tard, eh bien Onéguine, il va revenir demander à être reçu par Tatiana parce que il s'est rendu compte qu'il avait quand même des sentiments pour elle, mais pas de peau. Entre-temps, elle s'est mariée et tenant compte de la leçon de jadis, la jeune femme renvoie Onéguine d'où il vient, et elle garde, même si elle garde son amour pour lui quand même intact, mais elle veut demeurer à jamais fidèle à son époux. Voici la scène du bal d'Eugène Onéguine de Tchaïkovski avec l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde, direction James Levine, une pléiade de chanteurs tous prestigieux les uns que les autres. Un extrait d'Eugène Onéguine, opéra de Tchaïkovski de 1873, avec une distribution fameuse, Thomas Allen, Anne-Sophie von Otter, Mirella Freni, et puis l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde était dirigé par James Levine. Vous écoutez Radio Fudgette, c'est votre magazine discothèque classique le samedi et le dimanche de 11h à midi. Et continuons avec encore un compositeur romantique, moi je considère que Tchaïkovski est romantique, c'est Carl Maria von Weber. Alors Weber, il a composé lui aussi d'un peu dans tous les genres, il est connu pour ses opéras, notamment le Freischütz, mais aussi Oberon, Orient, et il s'est pris de passion pour la clarinette. Bah, ça c'est le même processus que Mozart, c'est-à-dire qu'il a rencontré un clarinettiste qui lui a donné envie de composer pour lui. Le clarinettiste en question, c'est Heinrich Berman. Mais il faut quand même préciser que Weber était cousin germain de la femme de Mozart, Constance, donc aussi sa sœur Aloïsa, évidemment, que Mozart avait failli épouser. Et voilà, donc tout cela se tient. Weber, qui vraiment a composé deux concertos majeurs pour la clarinette, d'ailleurs, finalement, des concertos pour la clarinette, il n'y en a pas tant que ça parmi les grands compositeurs. On peut citer bien sûr celui de Mozart, et puis les œuvres aussi de Brahms, il n'a pas composé de concerto, mais un quintet magnifique, un trio. Et puis des sonates, voici un extrait du deuxième concerto pour clarinette de Carl Maria von Weber, avec à la clarinette Paul Meyer, le Royal Philharmonic Orchestra, et dirigé par Günther Herbig. Thank you. Magnifique concerto numéro 2 de Carl Maria von Weber, concerto pour clarinette avec Paul Meyer en soliste et l'orchestre, eh bien c'était celui du Royal Philharmonic Orchestra, orchestre britannique dirigé par Günther Herbig. Alors hier, je vous ai passé le concerto pour 4 violons tiré de l'Estro Armonico de Vivaldi. Eh bien, j'ai eu envie de passer aujourd'hui le concerto pour 4 clavecins, qui est une transcription pour clavecin de ce concerto pour violon, de 4 violons, signé Jean-Sébastien Bach. Eh oui, parce que Bach se passionnait pour la musique de Vivaldi. Il a au moins transcrit 9-10 concertos de Vivaldi, pages de Vivaldi. Et comment il connaissait Vivaldi? Eh bien, grâce aux éditions Estienne Roger qui étaient fixées à Amsterdam, qui éditaient les œuvres du prêtre Roux qui circulaient en Europe. Par contre, je n'ai pas trouvé d'indication précisant que Vivaldi connaissait l'œuvre de Bach. Peut-être en a-t-il quand même entendu parler. En tout cas, eh bien, Bach a trouvé une source pour améliorer son approche du concerto. Et je pense que voilà, donc cette expérience, ce travail autour de l'œuvre de Vivaldi lui a été tout à fait bénéfique. On va écouter le premier mouvement du concerto pour 4 clavecins, transcription du concerto pour 4 violons, concerto BWV 1065 avec au clavecin Colin Tilney, Christophe Rousset, David Moronet et Christopher Hogood et l'ensemble The Academy of Ancient Music. Discothèque classique, votre magazine classique le samedi et le dimanche sur Radio Fadjet. C'était le premier mouvement du concerto pour quatre clavecins BWV 1065 de Jean-Sébastien Bach, d'après Vivaldi, avec au clavecin Colin Tilney, Christophe Rousset, David Moronet, Christopher Ogood et The Academy of Ancient Music. Et on continue avec un peu de Dvorak, sa 8e symphonie, qui précède évidemment la 9e, celle du Nouveau Monde qu'il a composée lorsqu'il était aux États-Unis. Notre Dvorak, il avait pris la direction du Conservatoire de New York, et la symphonie du Nouveau Monde fut un énorme succès. Mais cette symphonie numéro 8 avait aussi connu un grand succès en Europe. Naturellement, eh bien, on retrouve des éléments folkloriques dans cette symphonie, parce que ça, c'est l'une des marques de Dvorak, de reprendre des musiques de terroir, des musiques un peu folkloriques. Il était né en 1841 dans un petit bourg de Bohème, comme on disait à l'époque, République tchèque aujourd'hui. Et son père était aubergiste, il aurait bien voulu qu'il reprenne l'entreprise familiale. Et puis lui, il a préféré la musique, il avait découvert le violon grâce à un instituteur. Et longtemps, il fut alto solo de l'orchestre du théâtre de Prague, avant de démissionner en 1871 à 30 ans pour devenir compositeur à plein temps. On va écouter un peu donc de cette 8e symphonie avec un thème de valse tout à fait charmant. Je vous propose ce 3e mouvement avec le Royal Philharmonic Orchestra que dirige Paavo Järvi. Thank you. Le troisième mouvement de la 8e symphonie, opus 88 de Dvorak, avec le Royal Philharmonic Orchestra, que dirigeait Paavo Järvi. Eh bien, voilà, bon, on n'est pas loin du printemps. J'ai eu envie de passer une musique qui évoque cette saison, même si c'est pas lié directement au printemps. C'est la truite de Schubert, fameux lead, que Liszt a transcrit pour piano, comme le Roi des Aulnes que l'on a écouté tout à l'heure. On va retrouver Yevgeny Kissin. Quand je disais tout à l'heure que Yevgeny Kissin est vraiment l'un des grands pianistes de notre époque, je crois que je ne me suis pas trompé. Hein. Magnifique truite d'Ifor Ellen, jouée donc par ce pianiste incroyable. Et puis, c'était la version transcrite par Franz Liszt. Et on continue avec un peu de Verdi, Aïda de Verdi, opéra en quatre actes de 1871, écrit pour le Caire, où d'ailleurs cet opéra fut créé, et à l'occasion de l'inauguration du canal de Suez. Des scènes grandioses et puis des moments d'intimité très intenses. Certainement l'opéra le plus populaire de Verdi avec Nabucco et la Traviata. Voici la fin du deuxième acte sous la direction d'Herbert von Karajan. Yeah. Alors ça, c'est le genre de moments de musicaux que j'adore passer, présenter à l'antenne, parce que, bah, évidemment, je pense que beaucoup aimeraient écouter ce thème magnifique des trompettes. Et puis alors là, vraiment, une interprétation extraordinaire avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Karajan dans les années 60. Alors, beaucoup moins connu que Karajan, souvent d'ailleurs un peu décrié. Voici Helmut Rilling. Je voulais lui rendre hommage parce qu'il nous a quittés il y a quelques jours à l'âge de 92 ans. C'est un chef d'orchestre allemand qui s'était spécialisé dans la musique de Bach. D'ailleurs, il a enregistré deux fois, l'intégrale de l'œuvre chorale de Jean-Sébastien Bach. C'est vraiment un challenge, hein. Il avait fondé en 1954 son chœur, le Gachinger Kantorei de Stuttgart, et puis en 65, le Bach Collegium de Stuttgart. Et c'est avec ces ensembles qu'il va enregistrer donc tous ses disques autour de Jean-Sébastien Bach, pour lequel il avait une vénération. Et bien justement, on va le retrouver dans l'une des œuvres les plus célèbres de Bach du point de vue des cantates, la cantate des paysans, l'une des cantates profanes BWV 212, avec évidemment ces ensembles avec lesquels il a tant enregistré, Gachinger Kantorei Stuttgart et Bach Collegium Stuttgart, le début de la cantate des paysans de Jean-Sébastien Bach. Un extrait, le début de la cantate des paysans de Jean-Sébastien Bach avec Helmut Rilling et le Gachinger, le Bach Collegium de Stuttgart. On n'a pas entendu le chœur hein, sur cet extrait. Continuons avec Nikolaï Medner, 1880-1951, un compositeur russe qui s'est beaucoup inspiré de la musique de Rachmaninov. Parfois, certains ont dit méchamment que c'était du sous Rachmaninov que sa musique. Moi, j'en suis pas du tout d'accord. J'aime beaucoup défendre Medner parce que c'est un compositeur qu'on connaît mal et qui a laissé des pages admirables pour le piano. C'est le seul instrument d'ailleurs pour lequel il a composé quasiment à part quelques musiques de chambre, quelques pièces de musique de chambre. Alors voici Légende de printemps pour piano, jouée par Amish Milne. Milne, c'est la musique donc de Nikolaï Medner. Thank you. Légende de printemps de Nikolaï Medner, joué au piano par Hamish Milne. Et on va terminer l'émission avec un peu de Ravel, la conclusion de son ballet Daphnis et Chloé, la danse générale, avec le chœur et orchestre symphonique de Montréal que dirige Charles Dutoit. Danse générale qui conclut Daphnis et Chloé de Maurice Ravel avec le chœur et orchestre symphonique de Montréal, direction Charles Dutoit. Bah voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, terminé pour ce week-end, mais vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine, samedi et dimanche de 11h à midi, pour de nouvelles aventures musicales, discothèques classiques sur Radio Fadjet. Bon dimanche à toutes et à tous, excellente semaine et à très très bientôt j'espère.